les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Tout au long de sa très longue carrière, Merce Cunningham n'aura jamais cessé de chercher et de trouver surtout de nouvelles manières de penser et de mettre en scène la danse. On sait comment il avait voulu, dès le début des années 50, libérer ses créations de sa subjectivité personnelle en s'en remettant au hasard de pièces jetées en l'air pour en déterminer l'ordre des séquences. En 1999, après avoir auparavant utilisé un logiciel de simulation du mouvement, le jeune homme de 80 ans, qui était alors Merce Cunningham, se tourna vers un nouveau logiciel, Caractère Studio, pour la création de Biped, un spectacle associant danse et images animées. Grâce à des capteurs, ce logiciel offrait la possibilité de produire ces images à partir des mouvements enregistrés sur le corps même des danseurs et ouvrait des perspectives quasi illimitées aux chorégraphes. Vous pouvez abstraire les coordonnées d'un rythme, expliquait Merce Cunningham. Un rythme réel, enregistré sur telle partie du corps du danseur, la jambe droite, disons, et vous pouvez le transposer sur un autre élément du corps, un bras par exemple. Sur France Culture, à l'occasion de la présentation de Biped au Théâtre de la Ville en novembre 1999, comme en hommage à Merce Cunningham, Aude Lavigne, Laurent Goumard et Stéphane Bouquet avaient choisi de s'en remettre eux aussi au hasard pour composer un numéro de radio-danse qui revenait sur l'ensemble de l'œuvre du grand chorégraphe dans un enchaînement aléatoire de séquences. Radio-danse, Merce Cunningham, comme par hasard, une émission diffusée la première fois le 28 novembre 1999 sur France Culture. Radio Danse, une émission de Laurent Goumard, Stéphane Bouquet, Aude Lavigne. Alors aujourd'hui dimanche, nous avons voulu consacrer Radio Danse à Merce Cunningham. C'est un choix qui s'explique peut-être d'abord par l'actualité, puisque le chorégraphe américain vient de présenter sa dernière pièce, Biped, au Théâtre de la Ville, mais aussi à la Maison de la Danse à Lyon, oui c'est ça. Au milieu d'ailleurs d'une programmation qui avait même des allures de rétrospective. Mais en fait, la véritable raison pour laquelle on a voulu faire une émission sur et à propos de Merce Cunningham, c'est que c'est sans doute une des dernières grandes figures historiques de la danse contemporaine. On peut rappeler qu'il a eu 80 ans l'année dernière et que ça a été vraiment beaucoup fêté à New York. Si en effet on s'intéresse à la danse contemporaine, on peut difficilement faire l'impasse sur son apport, un apport qui a été multiple, par exemple au niveau de l'écriture chorégraphique, puisqu'il a beaucoup travaillé à partir du mode de composition aléatoire, mais un apport aussi qui s'est senti, qui a été très perceptible au niveau de la conception du corps, notamment depuis qu'il la travaille avec Lifeform, c'est-à-dire depuis qu'il la travaille avec un logiciel et un ordinateur. On ne peut pas oublier non plus qu'il y a un mode de collaboration systématique chez lui avec les autres arts. En musique, bien sûr, on peut citer John Cage, vidéo et cinéma avec Charles Atlas, ou les arts plastiques avec Rauschenberg et Jasper Johns. On ne peut pas non plus oublier sa conception de l'espace scénique, déhiérarchisé. Tout cela c'est encore des pistes pour certains, des acquis pour d'autres. En tout cas, ça a marqué vraiment l'histoire de la danse contemporaine. Alors le danger, évidemment, ça aurait été de bâtir une émission hagiographique. Et on verra qu'elle ne l'est vraiment pas. Ouais, ce qu'on voit dans les théâtres aujourd'hui, dès que Merce Cunningham apparaît, tout le monde se lève et tout le monde applaudit. On a, nous, essayé, en tout cas c'est ce qu'on va essayer durant l'émission, de confronter la réflexion cunninghamienne avec l'expérience des spectateurs contemporains et aussi, et surtout, avec l'expérience de chorégraphes contemporains. Un autre danger aurait été, nous semble-t-il, pour une émission consacrée à celui qui a pu remettre en question la composition chorégraphique, ça aurait été de répéter l'enchaînement traditionnel, naturel, pensent certains, d'une émission de radio, voilà, qui alternerait tant de paroles, musique, virgule musicale, reportage, etc., etc. Aussi, nous avons choisi de proposer une émission dont le mode de composition ferait appel au hasard. Bref, il s'agit aujourd'hui de reporter dans le cadre de la radio le procédé aléatoire à l'œuvre dans les pièces cunninghamiennes. Alors, le procédé aléatoire, Stéphane, ça serait quoi? Le procédé aléatoire, on peut dire que ça a commencé chez Cunningham dès 1951 dans une pièce qui s'intitule, je vais essayer de dire le titre en anglais malgré mon accent épouvantable, 16 Dances for Soloist and Company of Three, ce qui veut dire en français, je vous remercie Aude, vous avez l'air de dire que je parle très bien, ce qui veut dire donc en français 16 danses pour solo et trio. Et Dans cette pièce, il a suivi les techniques de composition musicale de son compagnon John Cage. John Cage, qui, on peut le rappeler, fut le directeur musical de la compagnie dès 1953 et qui utilisa justement le hasard dans la composition musicale de Music of Change en 52. Alors, composition au hasard, c'est-à-dire qu'il prenait ses décisions en lançant des pièces de monnaie, en utilisant le yeeking, sur lequel on reviendra tout à l'heure, pour se débarrasser de ses goûts, de ses mémoires et de tout ce qui compte avec la subjectivité du compositeur. Alors, Cunningham va lui reprendre cette idée de l'aléatoire, et chez lui, l'aléatoire va déterminer aussi bien la succession des pas, des mouvements, la direction des danseurs sur la scène, les parcours qu'ils vont tracer sur la scène. On peut peut-être citer à ce propos un exemple, pour être un peu concret. L'exemple, c'est une pièce de 1969 qui s'appelle Canfield, où là, les mouvements, les énergies, les vitesses des danseurs, les gestes des danseurs, les phrases chorégraphiques étaient associés à des cartes à jouer. Alors, selon la carte qui sortait, selon la couleur de la carte, selon les donnes que Cunningham pouvait sortir, si par exemple c'était une suite royale, on allait avoir telle ou telle phrase chorégraphique. Et puis, chaque jour, Cunningham, avant le spectacle, faisait sa petite réussite, comme ça, dans l'arrière-salle, et puis il sortait une réussite, et les danseurs venaient la voir, et il devait s'adapter à ce qu'il sortait. Alors, s'il avait sorti d'abord du rouge, eh bien, le spectacle allait commencer de telle façon, travail sur les pieds, et s'il avait sorti d'abord du trèfle, le spectacle allait commencer d'une autre façon. Le danseur, lui, a aussi quelque chose de précis à faire sur scène qui va remettre en cause ses habitudes. Par exemple, il peut sortir d'une pirouette sur un pas qui n'est pas celui d'une réception de pirouette ou avoir à tenter un saut sans élan de préparation. On imagine donc sans mal la virtuosité des danseurs chez Cunningham qui voient ainsi systématiquement briser leurs habitudes. Ce qui est intéressant aussi dans le recours de Cunningham à l'aléatoire et notamment au yeking, qui est le livre des mutations chinois, un livre qui, d'une certaine manière, essaye de penser le devenir et de penser le destin de l'être. Donc, ce recours à l'aléatoire chez Cunningham, il est intéressant parce qu'il lui a permis d'inventer une chorégraphie qui était libérée de tout rapport traditionnel. Libérée, par exemple, du rapport illustratif à la musique, libérée aussi du rapport centré, central à l'espace scénique, c'est-à-dire que maintenant, les choses peuvent se passer un petit peu n'importe où sur la scène, libérée aussi de l'idée de hiérarchie, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un avant-scène, un arrière-scène, etc. Et là, chez Cunningham, maintenant, tous les points de la scène ont la même valeur. Cunningham fait souvent référence d'ailleurs à ce propos à une phrase d'Einstein qu'il a dû lire je ne sais où. La phrase dit « il n'y a pas de point fixe dans l'espace » et de la même façon on pourrait dire que chez Cunningham il n'y a pas de point fixe sur la scène, tout bouge et tout fluctue tout le temps. Ça aurait pu être une conclusion mais c'est moi qui vais tenter de la voir. Donc chez Cunningham, le procédé aléatoire est une contrainte extérieure qui permet en fin de compte de sortir des formes conventionnelles, d'échapper aux habitudes mentales et ce en minimisant la responsabilité subjective du chorégraphe. Il est fidèle en cela à la pensée zen qui cherche à donner à voir, à enregistrer un monde en perpétuelle mutation, un monde en mouvement. Et je crois qu'il n'y a pas une plus belle définition de la danse. Peut-être. Je crois que si, c'est possible qu'il y en ait d'autres. Mais en tout cas, ce qui peut nous intéresser, c'est de se demander pourquoi nous, on va essayer de reprendre ce procédé aléatoire. Reporter le procédé aléatoire à la radio, ça devrait nous permettre, en tout cas, c'est ce qu'on espère, de déjouer les stéréotypies traditionnelles, de déjouer les habitudes, à la fois les habitudes de programmation des producteurs et puis les habitudes aussi de réception des auditeurs. On espère en tout cas permettre d'écouter la radio autrement et de monter autrement les actes de pensée. Alors pratiquement, nous avons donné un numéro à chaque reportage, à chaque musique, à chaque intervention des invités. Et tout au long de l'émission, nous allons tirer au sort, plus particulièrement c'est Aude qui va tirer au sort. Bougez vos papiers, Aude, que l'on sente bien que nous allons tirer au sort. L'ordre de passage. Donc il y aura des enchaînements chaotiques, des transitions malhabiles, des morceaux de musique qui vont se suivre. Tout est de l'ordre du possible. Aucune hiérarchie entre les intervenants n'existe plus. C'est parti, Aude, premier numéro. Alors en fait, les auditeurs sont un peu les danseurs de la compagnie Cunningham. Si vous voulez. Alors c'est parti, numéro 7. Biped, musique de Gavin Bryars, dernière création de Merce Cunningham. là, il a travaillé avec Gavin Breyers. C'était la première collaboration avec, avec ce musicien. Et, bon, pour l'anecdote, on peut raconter comment ça s'est passé, en tout cas comment Merce Cunningham lui-même le raconte, c'est-à-dire qu'il a commandé une musique à Gavin Breyers, qui a beaucoup travaillé avec William Forsythe auparavant, en tout cas en tant que chorégraphe, et Gavin Breyers s'est demandé comment il allait composer la musique, et il aurait bien aimé voir la danse. Or, le procédé, le grand procédé cunninghamien du rapport de la musique à la danse... C'est chacun de son côté. C'est chacun chez soi, et donc il a dit à Gavin Breyers, ben non, vous composez la danse... Vous composez plutôt la musique comme vous voulez. Moi, je compose la danse comme je veux. Et puis, au moment de la répétition finale, on mettra ensemble et à côté la musique et la danse. Alors là, on peut dire que ça marche plutôt bien ensemble. Ça marche d'ailleurs souvent bien ensemble parce que l'aléatoire est un procédé qui fonctionne. Et ici, ça marche bien parce que sans doute la musique de Gavin Breyers, comme on vient de l'entendre, est une musique qui fonctionne essentiellement sur les nappes sonores et que, du coup, elle enrobe extrêmement bien les mouvements très graphiques de Merce Cunningham et elle enrobe aussi extrêmement bien toutes les images vidéo qui sont projetées sur une toile de tulle à l'avant-scène. Autre commentaire ? Aucun commentaire pour l'instant. Peut-être Aude, vous pouvez tirer un nouveau papier voilà, pour nous dire ce qu'on va entendre. Et c'est le numéro 1. Quand vous dites que vous avez retrouvé les pièces qui sont Summer Space et Rune, qu'est-ce que ça veut dire pour vous retrouver ? Ça veut dire que c'est des pièces que vous aviez écrites quelque part et que vous avez reconstruites à partir de cette écriture, ou c'est des pièces que vous aviez en mémoire et que vous avez recomposées à partir de votre mémoire ? Nous avons des notes. Merce Cunningham. Et aussi des vidéos et aussi des mémoires. Par exemple, Summer Space, Carolyn Brown, qui était dans la danse quand nous avons dansé en 1958, elle a retourné pour travailler avec des danseurs. Et elle a une mémoire extraordinaire pour les phrases exactes. C'était merveilleux pour moi de la regarder parce qu'elle comprend exactement la position des bras, la position des pieds, la tête et tout ça. Après, nous avons donné Rune pour la première fois. J'ai écrit dans un voyage en air. J'ai écrit la danse dans des cahiers. Et ça, c'est la seule possibilité pour nous retrouver. Vous avez toujours, dans votre parcours de chorégraphe, été en contact avec les autres disciplines, avec les arts plastiques, avec donc Rauschenberg ou Jasper Johns, avec la musique, John Cage, mais aussi avec la technologie. Et dans Biped, comment vous avez travaillé la question de la technologie ? Elle est présente sous quelle forme ? Dans Biped, nous avons travaillé avec ce qu'on dit... motion capture. Il y a deux hommes à New York, Paul Kaiser et Shelley Eshkar, qui travaillaient avec cette méthode. Nous avons travaillé comme toujours. J'ai fait la danse séparée. Les deux hommes avec l'ordinateur ont fait beaucoup des images. Quelquefois avec les phrases de la danse et quelquefois des autres choses abstraites, des images abstraites. Et Gavin Breyers a fait la musique. OK. Pour le théâtre, il faut trouver une manière de monter des images. Et nous avons décidé après des trials. D'avoir un écran, scrim, devant la danse, in front of the stage, oui, et en which pour les images. Et les images ont fait quelquefois des phrases de la danse, mais on change, les deux hommes changent des images. Ainsi, pendant la danse, vous voyez la danse à travers l'écran. Et sur l'écran, il y a des images qui sont... Ce n'est pas la même comme la danse, pas du tout. La connexion est... On existe en même temps. Avec la musique, avec les images et avec la danse. dès 1974, par exemple, vous avez travaillé avec la vidéo. Cet intérêt-là, il vous a servi à faire quoi? Est-ce qu'il vous a servi, par exemple, à essayer d'inventer un nouveau corps ou à essayer de pousser le corps dans des chemins, dans des directions, dans des limites que vous n'aviez pas encore rencontrées? J'ai commencé avec l'ordinateur, avec Lifeforms. Et avec Lifeforms, on utilise une image comme un homme. Ça. Et on change le corps, les bras, les jambes, tout ça. Et on place des mouvements dans l'ordinateur. Quand j'ai commencé, je ne comprends pas du tout. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'ai décidé, ce n'est pas des erreurs, il y a des possibilités de quelque chose que je ne comprends pas encore. Ainsi, j'essaie avec des danseurs les idées que je trouve dans l'ordinateur. Je prends aux danseurs presque tout le temps, même s'il n'est pas possible de faire exactement, on trouve quelque chose de nouvel, différent. Avec motion capture, le danseur fait la phrase, le mouvement, et dans un espace, et comme ici par exemple, et les caméras sont en tout, il y a 12 la dernière fois. Et on prend les mouvements de chaque position. Ainsi, pour le danseur, il ne faut pas fixer l'espace, parce que avec l'ordinateur, il est possible de changer l'espace in beaucoup, many ways, beaucoup de possibilités. Oui. Les deux sont différents. Avec Lifeforms, je place le mouvement avec directement dans la figure, mais avec le motion capture, les caméras prennent le mouvement et placent dans l'ordinateur, et après ça, il est possible de changer. Les possibilités sont énormes. Par exemple, si vous avez deux danseurs, un ou deux comme ça, il est possible de changer les jambes de l'un à l'autre, ou les bras, tout ça. Il est possible changer la taille. Par exemple, la taille d'une figure ici, on danse comme ça. Mais si vous changez la taille, comment on change? How does the movement change? Comment change le mouvement? Motion capture, Lifeforms, ordinateur. Manifestement, il y a chez Maersk Union Gam un discours qui s'organise autour du tout technologique. On peut peut-être s'inquiéter de cette dérive, Stéphane, ou du moins la commenter? On peut s'en inquiéter, on peut aussi s'en féliciter. Enfin, je pense que la dérive technologique, ou technologiste, je ne sais pas comment on peut dire, de Maersk Union Gam, elle a aussi des aspects positifs, c'est-à-dire qu'elle permet aussi d'inventer des nouveaux corps, d'inventer des potentialités auxquelles on n'aurait pas pensé. Je veux dire, quand Maersk Union Gam travaille tout seul chez lui, sur son ordinateur, et qu'il essaie de construire des formes possibles de corps, et qu'ensuite il voit en studio si ses danseurs peuvent réaliser ces formes qui ont été préconçues en quelque sorte sur ordinateur, là on a véritablement une innovation, parce qu'il y a un corps qui n'existait pas auparavant et qui est en quelque sorte mis, modelé, façonné selon des techniques auxquelles on aurait probablement pas pensé sans le recours à l'ordinateur. C'est-à-dire un corps qui serait au-delà du déterminisme anatomique, par exemple. Voilà, un corps qui se serait débarrassé des contraintes de la biologie, d'une certaine façon. Mais évidemment, il y a aussi, disons, un danger dans cette utilisation trop présente de la technologie. C'est-à-dire que lorsque Maersk Union Gam travaille sur ordinateur, il travaille avec un logiciel. Le logiciel s'appelle Lifeform. Et c'est le logiciel qui finalement va créer la danse qu'il va fabriquer. C'est-à-dire que s'il travaillait avec un autre logiciel, eh bien, il aurait tout à fait une autre danse. Et donc, d'une certaine manière, la danse lui échappe et elle est seulement dépendante du logiciel qu'il va utiliser. Et on a alors, du coup, un certain réductionnisme de la danse de Cunningham. On repère très vite quand on voit quelques spectacles de Cunningham, des gestes qui reviennent sans arrêt, par exemple, un des pieds plié devant et l'autre tendu derrière, et le danseur est en quelque sorte accroupi. Ce réductionnisme-là, en fait, il est lié au fait qu'on a chez Cunningham un logiciel qui fonctionne sur une dimension graphique et qui réduit le mouvement à sa dimension graphique et qui ne pense pas que le mouvement puisse être autre chose, puisse être de la fluidité, puisse être de l'ondulation. En fait, le corps est comme réduit à sa pure extériorité corporelle et il n'est pas du tout conçu comme étant quelque chose qui est aussi un organisme vivant, une sorte de machine bruyante à l'intérieur. Je me tourne vers Ruth qui va essayer de nous trouver un enchaînement moins traditionnel que musique et paroles. Je vais essayer. Je voulais dire aussi que quand on entend Merce Cunningham dans sa voix, quand il parle de la technique, il y a un plaisir comme un jeu. Et j'ai l'impression que c'est aussi une forme de jeunesse et de modernité qu'on entend dans le rire. Et on a l'impression qu'il joue parfois aussi un peu au Lego. Suite, Bobino numéro 2. Quel est le point de départ de votre construction chorégraphique ? C'est un geste que vous avez vu quelque part, c'est un geste auquel vous avez pensé. Qu'est-ce qui fait que vous avez l'idée d'une pièce? Je commence avec... Merce Cunningham. Un geste simple ou un geste compliqué, mais ça c'est pour moi le commencement, toujours. J'ai vu, il y a beaucoup d'années, un oiseau en dehors qui marche sur le jardin. Je ne comprends pas comment on marche. J'essaie de marcher. C'est difficile, c'est impossible. I was finding quelque chose d'étrange pour moi. Je crois que ça, c'est la manière... C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais la manière que je travaille toujours. On a le sentiment de retrouver de pièce en pièce ce que l'on pourrait appeler ou ce qu'on serait tenté d'appeler un corps cunningamien, c'est-à-dire avec un torse tenu, des mains et plutôt des bras et des jambes très, très graphiques. Si on parle aujourd'hui d'une sorte d'académisation de votre gestuelle, est-ce que vous êtes d'accord avec ce procès? Ça ne m'intéresse pas du tout. Pas du tout, vraiment. Pour moi, c'est une question de ce que c'est possible de trouver chaque jour. Même si c'est quelque chose de simple ou même si c'est quelque chose de compliqué. Mais je ne peux pas fixer. On est fixé par le corps. Le corps humain ne change pas. La change, si nous avons trois pieds. Ah, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Le mouvement du corps humain est limité. Mais la variété dans ces limites sont absolument endless. So il faut pour moi garder des yeux ouverts. Nous avons ensemble avec le danseur, nous avons trouvé une manière d'utiliser des complexités. Je continue par exemple de garder en anglais frisky feet. Oui. Les pieds frileux. Les pieds rapides. Oui. Avec des battus. Frisky. Oui, exactement. Mais on a l'addition des changes avec le corps et aussi des positions avec les bras plus compliquées, more complicated. Mm-hmm. Ce n'est pas juste, ce n'est pas moi seul, c'est avec des danseurs. Parce qu'on a, they have been willing. Ils ont bien voulu. D'essayer. Et une des danseuses, maintenant ce n'est pas si difficile, mais quand on a commencé, elle a dit, nous étions... What she said, we were frightened. Nous avions peur. Peur, oui. Or, c'est quelque chose d'affreux. But we continued. Tous les mouvements m'intéressent. Mais j'ai travaillé avec les mouvements simples comme ça. Se serrer la main. Oui. Mais ce n'est pas assez. Ça va, mais ce n'est pas assez pour moi parce que mon esprit est vers la complexité. Et il faut avoir la technique de faire des choses si vous travaillez comme ça. Merci Aude pour ce tirage et ce hasard si conformiste. Moi, il y a une phrase qui me perturbe beaucoup dans ce que dit Merce Cunningham, c'est il dit à un moment, le corps humain ne change pas. Or, évidemment que c'est faux. Évidemment que le corps humain change, évidemment que le souffle, que les larmes, que le ventre, que les bras, etc., ont une histoire qui est d'abord l'histoire des individus, hein, ne serait-ce que parce que je vais vers ma mort et donc forcément j'ai de moins en moins de souffle. Mais c'est aussi une histoire sociale, c'est une histoire qui est prise dans un ensemble culturel beaucoup plus vaste. Alors, comment Cunningham peut-il arriver à dire que le corps humain n'a pas d'histoire ? Je ne sais pas s'il dit que le corps humain n'a pas d'histoire, mais quand il dit que le corps humain ne change pas, c'est qu'il se réfère simplement à l'image du corps. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il dit « nous n'avons pas trois pieds ». Or, on sait très bien que l'image du corps n'est pas le corps, que le corps produit de la pensée et que forcément il change. Suite. Bobino numéro 6. Les bobinos, c'est en fait des petits enregistrements qu'on réalise. C'est un terme technique de la radio. Entre une masterclass donnée entre deux spectacles de la compagnie en tournée en France et une audition, Robert Swinston, assistant de Merce Cunningham, répond à nos questions sur la technique Cunningham. David Pini est notre traducteur. Well, the principles of the technique have to do with developing a range of the body to its maximum, and we're concerned with the use of the spine moving in curving, arching, tilting, twisting, with the use of the legs at the same time. La technique consiste surtout à développer au maximum les possibilités du corps, et notamment à partir de la colonne vertébrale, que la colonne vertébrale puisse se courber, se tourner, se tordre, faire tous les mouvements dans tous les sens. Basically developing the flexibility of the body. Développer la souplesse du corps. And strengthening the body. Et la force, et la force du corps, les muscles, la musculature. Merce's work demands virtuosity. Le travail de Merce demande de la virtuosité. So, but the principles of the technique are actually very simple, and however, using the torso strongly out of the pelvis. Alors, la technique Cunningham est simple à la base, mais implique notamment d'utiliser beaucoup le torse indépendamment du bassin. Quels sont les exercices que vous faites justement pour développer ce travail? Est-ce qu'il y a des exercices particuliers que vous faites depuis le début? The exercises haven't changed, I don't think, in... Well, it's my 20th year. They haven't changed that much. Non, ça fait 20 ans que je suis avec la compagnie, les exercices n'ont pas changé tant que ça. Il y a un exemple? The basic example of an exercise, a basic exercise. The back exercise, the slow stretching exercise. L'exercice du dos, l'étirement lent du dos. You curve forward with the legs straight. Avec les jambes tendues. Then you bend the knees into a grand plié and the back is flat. Vous pliez, vous faites un grand plié et en même temps vous aplatissez le dos. Donc vous avez une courbe du dos, les jambes tendues, vous faites le plié, vous aplatissez le dos. Then you stretch the legs up, holding the back. Et ensuite vous tendez les jambes en tenant le dos. And then raise the torso to center. Et après vous relevez le torse, le bas, toute la partie haute du corps jusqu'au centre. But there are variations, of course, when you change your direction. Mais il y a des variations quand vous changez de direction. Each dancer brings his own or her own individuality to the work. Chaque danseur ou chaque danseuse apporte sa propre personnalité au travail. Et vous êtes aussi danseur. You're also a dancer. Donc moi j'aimerais savoir quelles sont les difficultés, parce que quand on regarde le spectacle, on se dit ça c'est quand même difficile à danser. Quelles sont les difficultés qu'un danseur rencontre dans cette technique-là, ou peut-être dans l'esprit général du travail? Qu'est-ce qui est difficile? Well, the technical difficulties are there. It's, les difficultés techniques sont là. Some of the movement is devilish. Le mouvement est parfois diabolique. La rapidité. The speed. The speed, the extension, the balance, the off balance. l'équilibre, le déséquilibre, la vitesse, the change of rhythms, les changements de rythme, les ruptures de rythme, doing the steps with your face arched to the ceiling, faire exécuter les pas avec la tête vers le visage regardant les cintres, le plafond. And facing any direction, it's all. Et surtout, réaliser les mouvements dans n'importe quelle direction. Maintenant, vous allez faire une audition. Il va y avoir une audition. J'aimerais savoir quels exercices vous allez demander à ces jeunes personnes qui sont ici réunies et ce que vous allez regarder en particulier. I'm not giving them exercises. I'm giving them choreography. Je leur donne pas d'exercices. Je leur donne une chorégraphie. Choreography from specific pieces. Une chorégraphie, des extraits de chorégraphie de pièces précises. The first piece I will deal with is Summer Space. La première œuvre sera Summer Space. Which is made in 1958. It's 40 years old. Qui a 40 ans, qui a été créé en 1958. And then I will give movements from Biped. Et après des mouvements de Biped, qui est la création la plus récente. Et vous allez être sensible à quel type de présence ou de corps, qu'est-ce que vous... What kind of body, what kind of presence are you going to be more open to, more looking for? What kind of... I'm looking for the highest virtuosity. Je cherche la plus forte, la plus grande virtuosité. Je suis l'assistante de Miss Cunningham. Nous avons besoin d'un danseur pour la compagnie. Ça commence à janvier. À partir de janvier. Si vous voulez vous échauffer sur le plateau, moi je vais chercher vos numéros. Après, je vous appellerai par nom, je vous donnerai un numéro, vous me donnerez une photo et un CV. Mais pendant ce temps-là, si vous voulez vous échauffer sur scène, allez-y. Hein. Vous vous sortez par là, vous prenez à gauche, et puis ça sera une des premières portes sur votre gauche. Je crois, Stéphane, que si on avait voulu construire nous-mêmes une émission sans le hasard, on aurait fait exactement la même chose. Oui, on ne s'y serait pas pris autrement. Alors, Aude, peut-être qu'on peut revenir sur la technique Cunningham, la fameuse technique Cunningham, qui a évincé toutes les techniques quasiment qui existaient avant, que ce soit la technique Graham ou la technique Limon. En effet, c'est une technique qu'il a commencé à travailler quand il était lui-même danseur chez Martha Graham. La technique qui correspond bien à un désir de liberté, à l'idée d'un corps neutre, sans affect. Libérer les membres et le torse en axant le mouvement sur la colonne vertébrale, comme le précisait Robert Swinston. Une technique qui joue sur l'articulation des facultés motrices, favorisant vélocité et virtuosité. Ce sera d'ailleurs un sacré pari pour les jeunes danseurs d'être pris dans la compagnie. Alors vos numéros ? Remuez vos petits papiers à nouveau. On continue. Et faites un effort. Je vais essayer d'avoir la main neutre. Bobino numéro 5. Ce qui m'intéresse, alors, le rapport que j'ai avec Cunningham est un rapport Emmanuel de distance, enfin de Cunningham, pas avec lui personnellement bien sûr, mais avec sa technique. La technique de Cunningham était par exemple la doxa des années 85-88, quand je suis revenue de l'école où j'ai été formée, et moi j'avais jamais dansé cette danse. Et c'était celle qu'il fallait danser pour être autorisée à passer des auditions, pour entrer dans les compagnies qui allaient devenir des futurs centres chorégraphiques, mais dans les compagnies des chorégraphes qui émergeaient à cette époque. Donc je me suis forcée, moi, à apprendre un petit peu ça, mais ça me convient pas du tout. Donc ça m'a fait très mal au corps. Et surtout, ce que je pense de la technique, c'est que elle n'a pas continué ce qu'elle a tenter de faire dans l'espace, c'est-à-dire pour moi la découverte, enfin pas la découverte, mais ce que Cunningham a vraiment institué, c'était que tous les points valent d'être dansés sur un plateau, c'est-à-dire que tous les points sont égaux et sont un centre pour eux-mêmes. Tout spectateur est un point de vue, comme tout danseur est un centre pour lui-même dans l'espace. Par contre, dans le corps, il a rajouté deux ou trois possibilités physiques pour le buste, de se pencher, mais sinon les bas, c'est exactement la même chose que la danse classique. Donc, pour moi, il y a une espèce de, non pas de travail non fini, mais de dissociation totale entre un travail sur l'espace et un travail qui incorpore cet espace. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas un centre partout chez Cunningham, il est vraiment au centre, comme d'habitude, au centre du corps. Donc, moi, j'entretiens un rapport plutôt de grande distance par rapport à la technique de corps, par rapport à ce que lui et sa collaboration avec Cage nous amènent. Là, par contre, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur cette immense rupture qu'a nommé leur travail. Et c'est dans ce sens que moi j'ai envie de répondre à l'invitation qui m'a été faite de faire un hommage à la relation de travail. C'est comment une forme travaille avec une autre pour faire un objet non identifié. Comment, en partant de soi, on reste soi, c'est-à-dire autonome, et qu'en même temps, le lien forcément arrive avec un autre qui se superpose dans un même temps. Cela voudrait-il dire que le corps chez Cunningham serait du côté de l'institution, puisque en fin de compte, il fallait rentrer dans les centres chorégraphiques, enfin disons dans les compagnies, avec ce corps-là ou cette technique-là, et que le dispositif serait du côté de l'invention, il s'intéresserait plus au dispositif chorégraphique qu'au corps? Lui, il n'est pas du côté de l'institution, il n'est pas responsable du fait que sa technique était, non pas récupérée, mais en tout cas était une technique sanctionnante et sélectionnante, ça c'est une autre question en fait. Non, ce que je pense, c'est que son corps est quand même, le corps de sa technique est quand même un corps... une technique en assomption à la géométrie, c'est-à-dire c'est plus un corps dompté qu'un corps qui organise l'espace à partir de lui-même. Donc je pense que justement dans le parcours de danseuse que j'ai, je suis allée des techniques constituées à un corps qui dit d'abord « je » et ensuite qui ressort. Et je pense que chez Cunningham, on est d'abord dans l'espace et on est un point de l'espace. Donc il n'est pas du côté de l'institution, il est du côté de l'assomption de la géométrie. Et j'ai oublié la suite. Qui crée aujourd'hui à partir des ordinateurs, c'est-à-dire en pouvant se passer du corps réel des danseurs. Sans doute, ça continue pour lui. Enfin, il continue sa tentative aussi de moins en moins décider. C'est une stratégie aussi de hasard, en fait, poussée un peu plus loin. Mais effectivement, je pense que ça a à voir avec le fait d'aujourd'hui, non pas se contenter, mais de commencer par l'ordinateur, le logiciel, et de voir ensuite comment le corps peut répondre. Mais ce qui est une tension très intéressante. Mais je pense que très viscéralement, je ne peux pas, c'est pas adhérer, mais je ne peux pas me servir de la technique de Cunningham. Par contre, je peux me servir de ce qu'ils ont fait dans l'histoire. Alors Emmanuel Wynne, qui est chorégraphe, va effectivement s'en servir très bientôt, puisqu'elle est en train de monter un duo de la vie, ni bien passé pour le dire, puisqu'elle a été les voir. On avait fait un reportage, en effet, oui. Pour un studio danse. Voilà, elle va faire un duo sur la relation Cage-Cunningham. Moi, ce que je voudrais dire juste, c'est qu'au moment précisément où Cunningham travaillait le corps qu'on vient de définir là, dans ces petits bobineaux, un autre chorégraphe important travaillait au même moment aux États-Unis. Ce chorégraphe, c'était Alvin Nicolaïs. Et lui, il a proposé un corps tout à fait différent du corps quand même très corseté et venant tout droit du corps classique avec ce buste très tenu qu'on a dit, ses jambes très déliées, qui était le corps de Cunningham. Oui, c'est-à-dire que chez Cunningham, il y avait une volonté, en fin de compte, d'outrepasser le déterminisme anatomique et biologique des danseurs, donc en leur proposant d'autres situations de poser les membres, de faire les gestes. Alors que chez Nicolaïs, il y a une révolution peut-être plus moderne, enfin, disons, pour certains, puisqu'il y avait vraiment un débat entre les deux corps proposés par les deux chorégraphes, parce que chez Nicolaïs, il s'agit de porter vraiment atteinte à l'intégrité du corps, en jouant la métamorphose ou en proposant le corps comme une illusion d'optique. Oui, en le déformant, le rendant monstrueux par les costumes, etc., etc. Et ce qui est intéressant dans ce que dit Emmanuel Wynne, donc la chorégraphe, c'est que, au fond, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ni véritablement l'option Cunningham, ni véritablement l'option Nicolaïs n'ont été retenus, et que le corps qui l'emporte véritablement dans la jeune danse, et en particulier dans la jeune danse française, dont Emmanuel Wynne est une très bonne représentante, c'est un troisième corps qui est le corps de la Judson Church, donc un corps qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus multipolaire, on pourrait dire un corps qui est beaucoup plus démocratique dans la mesure où chaque partie du corps va participer à l'élaboration de la danse de manière absolument équivalente. On continue, Aude. On continue avec... La séquence numéro 11. I cannot give them enough credit for probably so many things, maybe everything. Rosalie Goldberg, historienne. Je ne sais pas si je peux faire assez crédit à Cage et Cunningham de tout ce qu'ils ont apporté à l'art. The whole idea of the event and the happening. From the famous event in 1952. Je crois que Cage et Cunningham sont les deux véritables créateurs de l'idée d'event et de celle du happening à partir du fameux event de 1952. Zen values and attitudes totally transformed. Je crois qu'Edge a tiré l'idée du futurisme et de sa conception du silence, et en le mêlant aux valeurs et aux attitudes du zen, il a totalement transformé la façon de penser l'œuvre, retrouvant cette volonté ancienne d'atteindre à l'essence d'une idée, de la substance, du mouvement, du son. Et cela était déjà une réponse à ce qui a intéressé les jeunes artistes des années 70. Je parle là des idées de Cage et la façon dont Meurs les a transposées dans la danse, disant une fois encore que la danse est aussi naturelle que le son, que nous dansons tous les jours, en marchant, en se déplaçant dans la rue. And I think that between the two of them, they really transformed so much of the landscape. The happenings literally came out of the school. Je crois que Cage et Cunningham ont totalement transformé le paysage. Les happenings ont littéralement surgi de l'école où Cage était professeur. Cunningham a créé une école de danse toute nouvelle qui restaurait l'importance du corps, de la saisie la plus naturelle possible du corps. Par exemple, en exploitant la marche toute simple, la marche à pied plat, sans pointe et sans fioritures. Martha Graham avait fait la même chose déjà. Elle était revenue à un corps féminin naturel, portant beaucoup d'attention aux hanches et aux seins de femmes, refusant les corps anorexiques traditionnels des danseurs de ballet. Retour au corps naturel. Les années 70 sont complètement surgies de Cage et Cunningham, mais avec des goûts et des épices différents provenant des régions différentes des États-Unis. Je pense que la fin des années 60 et les années 70 sont des années qui n'ont pas toujours été perçues comme elles devraient, le Big Bang de la culture, qui a affecté tant de choses et de gens. Je paie aujourd'hui encore mon hommage à Cunningham, à ce qu'il fait avec la danse, y compris dans ses pièces actuelles, repoussant encore les frontières, comprenant intimement l'espace et le mouvement. And of course their collaboration with artists. Et collaborant bien sûr avec les artistes, parce qu'ils ont été très très proches des artistes. Ils ont travaillé avec le son, avec le mouvement, avec l'espace, avec la sculpture, les images, le cinéma. Peut-être la seule chose ici qui était absente, c'était le langage. Mais avec Cage, vous saviez qu'il y avait du langage. Quelque part, à l'intérieur de son silence, vous saviez que le langage parlait. Il faut vraiment pointer l'importance considérable de ces deux personnes qui ont affecté l'art de la scène. Ils sont au départ des grandes évolutions de l'art de la seconde moitié du siècle. Laurent, qui est Rosalie Goldberg ? Rosalie Goldberg est une historienne américaine spécialiste de l'art de la performance. Et son intervention ici insiste sur la collaboration particulière qu'il y avait chez Cunningham, la collaboration entre les artistes. Alors la collaboration entre les artistes, c'est quelque chose qui a existé depuis longtemps, bien avant Cunningham. Par exemple, les ballets russes, entre autres. C'est-à-dire, c'est un plasticien qui réalise un décor devant lequel le danseur évolue sur la musique d'un compositeur. Donc, rien de particulièrement novateur à cela, sauf que chez Cunningham, il n'y a plus de collaboration, il s'agit plutôt de juxtaposer les éléments. Donc, on ne va pas chercher à les relier, mais c'est l'espace scénique qui va se charger de la mise en relation. C'est pas l'artiste non plus qui va créer un monde cohérent. Le monde cohérent, c'est l'espace qui va le donner. On peut citer et extrapoler avec un exemple. Exemple contemporain de cette critique de la collaboration, avec par exemple le solo de Boris Chermat, Les Disparates. Puisque sur scène, il y a une énorme sculpture de Tony Grand, un bloc résineux translucide, mais que toute la danse de Boris va ignorer, ne va rien tenter ni avec ni contre cet objet plastique qui est seulement posé là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, il y a une non-utilisation de ce qui pourrait être un élément de décor qui vient contrer, en fin de compte, l'habituelle collaboration, pas toujours pertinente, entre les artistes plasticiens et les chorégraphes. Puisqu'ici, la sculpture de Tony Grand, elle n'a pas été faite pour le spectacle, et mieux, même elle l'encombre et elle rend les conditions de production très difficiles puisqu'elle est très coûteuse à déplacer. Ce qui se joue en fait dans cet abandon de l'objet plastique, c'est le projet discursif qui vient dire clairement cette chose, c'est qu'il ne suffit plus de mettre sur scène un décor d'artiste pour crier à la mixité plastique. Donc il vaut mieux, comme chez Chermat ou comme chez Cunningham, intégrer dans la pratique même de la danse ou dans le dispositif chorégraphique, d'intégrer donc les enjeux par ailleurs repérés dans les arts plastiques. On pense aujourd'hui à l'appropriationnisme qui est un concept plastique que Jérôme Bell importe dans son spectacle, le dernier spectacle, puisqu'il inclut la composition de Susanna Linke, où on pense aussi au work in progress qui est à l'œuvre dans les travaux de François Véret, ou dans les lieux de là, par exemple, le dernier spectacle de Mathilde Monnier. Alors nous, on va poursuivre notre collaboration avec Aude, qui nous tire... Suite séquence numéro 9. ... John Cage, Five Stone Wind, musique réalisée avec David Tudor et Takeisha Kozugi. Donc cette musique de Cage avait été composée en 1988 pour une chorégraphie de Merce Cunningham qui s'appelait Five Stone Wind et composée évidemment comme toutes les musiques de Merce Cunningham et comme on l'a déjà dit de son côté tandis que Merce Cunningham écrivait la danse. Aude, vous nous avez tiré un nouveau papier. Numéro 4. Oui, moi la première fois que j'ai vu Cunningham, je devais avoir à peu près 16-17 ans. Je commençais à peine la danse. Gilles Jobin, chorégraphe. Et on était allé à Lyon depuis Lausanne en voiture pour voir Cunningham. Et c'était un événement pour nous d'aller le voir. Et j'avais été complètement fasciné. Enfin, j'étais resté la bouche ouverte pendant tout le spectacle. Et puis, ils sont repassés à Londres l'année dernière. Et je suis allé voir au Barbicane. Et j'étais complètement abasourdi. Ça m'a fait exactement le même effet. 15 ans après, j'avais la bouche ouverte, la chair de poule. Et j'ai trouvé impressionnant... que ça me fasse le même effet avec des pièces contemporaines, c'est-à-dire des pièces qui venaient d'être créées l'année dernière ou il y a 2 ans. Et je crois que c'est pour moi un des seuls créateurs qui reste complètement contemporain au-delà de son âge et du temps qui passe. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans les chorégraphies de Merce Cunningham et dans la façon qu'il a de faire danser les corps, sachant que vous êtes chorégraphe aussi et que vous ne les faites pas du tout bouger de la même façon? Moi, je travaille évidemment pas du tout de la même façon, mais à quelque part, son influence est très marquante dans ce que je fais. Moi, je pense qu'il a donné une liberté au corps extraordinaire. Moi, j'utilise beaucoup, par exemple, l'idée d'être immobile et de pouvoir démarrer un mouvement, de partir dans un mouvement dans n'importe quelle direction, par derrière, par devant, dans n'importe quelle diagonale, ce qui est très cunninghamien, en fait, comme principe. Où il n'y a pas de préparation au mouvement comme dans la danse classique où il y a toujours un mouvement de préparation, un élan et un saut par exemple dans Cunningham, c'est de n'importe quelle position on peut sauter, s'arrêter, courir, partir en dehors, en dedans, c'est égal. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est fondamental dans ce que je fais. Donc la forme n'a plus grand chose à voir, mais le fond, en fait, on retrouve. Enfin, en tout cas, moi, je sais d'où ça vient, quoi. Il y a des gens qui peuvent trouver ça très froid. Enfin, c'est souvent ce qu'on lui reproche, d'ailleurs, que c'est très mathématique et très. Moi, je trouve pas du tout. Je trouve que c'est très sensible, très fin, très délicat. Et puis c'était au niveau géométrique, c'est parfait. Il y a cette espèce de combinaison, ce talent qu'il a pour faire rentrer 15 danseurs en scène en une seconde, les faire disparaître en une demi-seconde. Et puis aussi, moi, ce qui me fascine en tant que chorégraphe, alors, c'est que voilà, moi, il y a des trucs, des mouvements que lui passe comme ça en vitesse, moi je travaillerai, je ferai un spectacle d'une heure avec, quoi. Et il a fait plus de 200 pièces, moi j'en ai fait 3 ou 4. Voilà, donc il y a ça aussi, disons, en plus qui m'impressionne, c'est ce savoir-faire, quoi. Alors Laurent, est-ce que l'émerveillement quasiment enfantin de Gilles Jobin, ça vous inspire? Oui, c'est très émouvant. Non, mais ce qu'on peut surtout remarquer, c'est dans ce commentaire, on peut repérer quelque chose sur la notion de spectacle qui est mise en avant par Gilles Jobin, qui est un chorégraphe qui, lui, justement, reste fidèle à l'idée de spectacle, de donner à voir la danse dans un théâtre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que chez Cunningham qui a pu bouleverser l'espace scénique, on l'a dit, en le décentralisant, en le déhiérarchisant, chez lui, il y a quand même aussi un refus de porter ailleurs sa danse ou de jouer sur le processus. Et c'est ce qui lui sera d'ailleurs reproché avec la génération qui va suivre, c'est-à-dire la postmoderne danse, par les artistes de la Judson. Par exemple, Trisha Brown va danser sur les toits, dans les parcs. Mais surtout, ce que fait Trisha Brown, c'est qu'elle substitue, entre autres, à la notion de spectacle, celle d'expérience. Ce qu'on peut dire, c'est que chez Cunningham, ce refus de mettre en cause la notion de spectacle pourrait avoir un soubassement métaphysique qu'on peut pointer. Ce serait en fin de compte qu'il existe un monde que le chorégraphe donne à voir, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'agir, pas de volonté, ce qui est un peu indissociable de l'idée que la danse n'a pas ou n'a pas à avoir d'action politique. Suite. Numéro 10. Autant Cunningham reste incontestablement Philippe Lemoal, historien, reconstructeur de l'espace chorégraphique du XXe siècle, autant j'ai toujours effectivement souhaité interroger ce à quoi conduisaient ces propositions chorégraphiques. Quand je dis propositions chorégraphiques, c'est dire les spectacles que lui-même construit. Et ce qui m'apparaît le plus souvent, c'est une certaine virtualisation, et de plus en plus grande à mon sens, du corps. Donc la question du corps cunninghamien, en fait, est liée à celle de savoir dans quelle mesure ce corps-là n'est pas de plus en plus le simple instrument, le simple vecteur d'une recherche prodigieuse, passionnante sur la représentation de l'espace. Et avec cette question, évidemment, s'ouvre un abîme d'autres questions, qui est que le spectacle cunninghamien nous renvoie un danseur dépersonnalisé, et que c'est une relative constante dans le travail de Cunningham. Et donc on peut s'interroger de quel est le sens de cette danse qui nous donne comme modèle récurrent, ce corps dépersonnalisé. Le projet de Cunningham, il le dit lui-même, enfin il l'a souvent répété, c'était que la danse soit simplement une aventure dans l'espace et dans le temps. Alors est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir abouti finalement à une sorte de corps normé par la technologie, peut-être même virtualisé par la technologie, puisqu'aussi bien l'expérience du temps et l'expérience de l'espace, elle est maintenue? En fait, elle est maintenue, mais d'une certaine manière, mais c'est vrai qu'il l'a toujours déclaré, c'est cette absence de prise de position ou de parole sur l'espace qu'il nous propose qui parfois me préoccupe. En gros, Cunningham livre un constat. La plupart de ses chorégraphies sont des témoignages brillants du fait que ça bouge. Et il met en évidence d'une manière remarquable que ça bouge bien, que ça bouge d'une manière inattendue, surprenante, fascinante. Mais de même, des poissons exotiques dans un aquarium bougent. Et c'est aussi fascinant que bipède. Précisément, chez Cunningham, on peut quand même repérer une façon de bouger qui n'est pas la façon de bouger qu'ont tous les autres chorégraphes. Et il y a une véritable puissance de devenir animal du corps cunningamien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une inspiration du monde et de la motricité animale dans la façon dont les corps cunningamiens se déplacent. Donc, il ne bouge pas quand même simplement pour dire qu'il bouge. Cunningham n'a pas été le seul, loin s'en faut, à explorer cette piste. De nombreux chorégraphes, et il est évident que la danse invite à cette exploration, je dirais, qui a pu se faire dans d'autres cas sous l'aspect de la fonctionnalité du mouvement. Par exemple, il n'y a rien de plus fascinant que le déclenchement d'une patte de chat qui va attraper la proie qu'il vise. Bon, cette fascination, elle s'est exercée de longue date sur les chorégraphes. Et que la danse en rende compte, ça n'a rien de surprenant. Ce qui est le plus étonnant dans la manière dont Cunningham rend compte de ce phénomène, c'est que d'une certaine manière, il nous met devant un corps dont l'animalité, entre guillemets, serait programmée. Et ce qui semble l'intéresser, c'est de révéler le programme. Fondamentalement, la question de la danse est toujours de créer, interpréter et mettre en évidence l'animal humain ou l'animalité de l'homme, de quelque manière qu'on prenne les choses. Et cette animalité-là que Cunningham met en évidence, effectivement, qui le fascine à l'évidence, semble une animalité totalement programmée, comme un destin animal auquel on n'échapperait pas et sur lequel on a très peu d'effet. Il semble, au bout de ce que vous dites, que le résultat, en fin de compte, les propositions chorégraphiques de Cunningham seraient un peu décevantes par rapport au processus, ne serait qu'en fin de compte que le résultat du processus. On ne devrait pas juger une pièce cunningamienne sur le résultat qui est donné à voir. Ce n'est pas une question de déception ou quoi, c'est une question de qu'est-ce que ça porte en soi. Parce que, en fait, dire qu'il met en évidence des processus, qui est effectivement un travail, et qu'il ne met en évidence que ça, et que ce serait la finalité de son travail, c'est faire l'économie d'une autre réflexion. En gros, on pourrait dire que c'est fascinant, enfin, on peut dire par exemple que dans les recherches avancées aujourd'hui, être parvenu à cloner une brebis, c'est fascinant. Et si on en reste au processus, à la magie du processus, que l'homme soit parvenu à cloner une brebis, c'est fascinant. En quelque sorte, ma question fondamentale sur le travail de Merce Cunningham, c'est une question d'éthique. Et cette question d'éthique n'a jamais été réellement soulevée. À vrai dire, ça veut dire quoi de mettre sur scène l'évidence d'un processus, si brillant soit-il, si ce processus conduit à dire que je nie profondément quelque chose de la nature humaine? Et de cette négation-là, on ne parle jamais. Dans le programme de Bipède, Alistair McCauley signale que Cunningham n'a jamais cessé de mettre en évidence que l'être humain n'était pas forcément toujours sexuel ou sexué. Je ne sais plus comment il le dit. Mais d'une certaine manière, il faut aller plus loin. Cunningham a quasiment mis en évidence que pour lui, il l'était quasiment jamais. Que Cunningham est très cohérent avec lui-même. C'est cette cohérence même qui m'inquiète dans le sens de ce qu'elle sous-tend finalement comme apparition, comme épiphanie d'un homme qui est quasiment cloné, quasiment virtuel. En fait, en gros, si on résume le message cunninghamien dans sa chorégraphie, c'est il y a du monde, il y a du mouvement, il y a de l'être, et je ne peux que constater ça. Et je ne suis pas actif, je ne suis pas déterminé sur cet environnement. Qui peut effectivement être approché d'une certaine pensée du zen. Mais instrumenté, d'une part, à travers des modèles technologiques, d'autre part, par une finalité qui est d'aller de plus en plus vite, puisque ce qu'on ne souligne pas non plus, c'est qu'une des grandes données de la chorégraphie cunninghamienne, c'est la virtuosité du vite. Me semble tout d'un coup aller à un autre endroit, et donc finalement être sous-tendu par d'autres données, que celle du zen tel que je le connais en tout cas. Shut up and get back over there. C'était Radio Danse, une émission de Laurent Goumard, Stéphane Bouquet, Aude Lavigne. Avec Merce Cunningham, Emmanuel Huyn, Gilles Jobin, Philippe Lemoal, Rosalie Goldberg, Robert Swinson. Prise de son Michel Bertin, Marie-Dominique Bougot, réalisation Gérard Brodin. Radio Danse est terminé. Shut up and get back over there.